cette année, je me dis, tout le monde veut travailler, je me tue à chercher, je vois mon courage partir à la dérive dans des colonnes entières. Les bonnes places sont déjà prises, tout le monde veut changer d'air. Moi je passe des petites annonces, des fois c'est pas pour rire. Je suis un mec vain qui cherche un rocher pour s'y briser. N'en rêve pas, fais-le, laisse-toi te perdre, n'en rêve pas, fais-le, laisse-toi te perdre. Par les enveloppes timbres et je me dis, je les ouvrirai sans doute jamais, c'est autant d'occasions ratées. Les gens que je vois me racontent qu'il n'y a qu'une vie par habitant. Je suis fier de toutes celles que j'aurais pu faire. Moi je passe des petites annonces et j'éclate de rire. Je suis un mec vain qui cherche un rocher pour s'y briser. N'en rêve pas, fais-le, laisse-toi te perdre, n'en rêve pas, fais-le, laisse-toi te perdre.